connais pas Radio Gibozo, toi? Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. T'es un loser. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gemozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 15 mars, j'espère réussir à faire l'émission en entier, j'ai la voix pour pas vous mentir qui part un petit peu en cacahuète ce matin, alors on verra bien ce que ça va donner. Et on commence tout de suite en souhaitant une bonne fête aux Louise, ça vient du germanique signifiant illustre au combat. Louise est une femme secrète, discrète et réservée qui manque de confiance en elle, plutôt matérielle. Matérialiste, Louise est pragmatique et se montre travailleuse, sérieuse, volontaire, active et efficace. Son rythme de vie n'est pas toujours rapide, mais elle est déterminée, opiniâtre et à long terme, cela lui est profitable. Sa moralité est bonne au point qu'elle est souvent envahie de scrupules qui l'empêchent d'agir. Elle a besoin de se dévouer et de faire plaisir. En elle se côtoient rigidité, principe et esprit de compassion. Dicton du jour, à mi-mars, le coucou est dans l'épinard. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la Journée internationale des droits des consommateurs depuis 1983. C'est la Journée internationale contre la brutalité policière. En Biélorussie, c'est le jour de la Constitution qui commémore la Constitution adoptée en 1994. En Hongrie, c'est la fête nationale pour célébrer la révolution de 1848. Et au Japon, c'est la fête des moissons, fête de la fertilité. Et dans les événements qui se sont déroulés un 15 mars, en 1493, Christophe Colomb revenait du Nouveau Monde. Et en 1831, c'était la parution de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Allez, on marque tout de suite une première pause musicale avec les Black Eyed Peas et leur dernier titre, Big Love. And the life of a kid in America. Everyone's a critic, watch them criticize your character. Everybody watching you, people love to stare at you. Everybody's greedy, ain't nobody trying to share with you. Our leaders are embarrassing, I think they need some parenting. Tell me why they playing with the fire and the kerosene. Kids on the Percocet, tripping on the medicine. Call it like I see it, we some drugged up Americans. Everybody's following, ain't nobody leading. People loving guns more than kids is a season. And they say the reason is to protect their freedom, but we don't believe them. Cause all that we are, a young boy, used to hear the people say, power to the people, but we them people nowadays, we ain't never giving up, now we got our hands up, we can't breathe, cause their hearts ain't big enough, all we need is just us, hate got you guessing, war is the answer, but really what's the question, money got us dressing, fear got us flexing, phones got us zoned out, now we lose connection, please stand by, it takes you and I to keep the hope alive, cause we're living in a time where you're fighting to survive, and all we need is love. All that we are. Life is a blessing, knowledge is a weapon. You should choose love instead of being reckless. Candle in the darkness, help change the heartless. Use love to guide you, I'll be there regardless. Situation global, we're like in a rowboat, swimming up the river, so I can deliver message to the masses, no matter your status. Nothing's ever over, we believe in second chances. Many people dying, governments are lying. Stand for our rights, and please no more violence. Start with the kindness, together we united. When we are one, nothing can divide us. Les Black Eyed Peas avec leur titre Big Love sur RGM, pile 8h37. On parle anniversaire. Ils sont nés un 15 mars 1935, naissance de Jude Hirsch, acteur américain, vu dans Independence Day Resurgence, dans le rôle de Julius Levinson, un homme d'exception, la série télé Numbers, dans le rôle d'Alan Epps, ou encore la série Forever, dans le rôle d'Abe. 1941, naissance de Mike Love, chanteur du groupe The Beach Boys, et on se dirige vers les plages californiennes avec leur titre I Get Around. Petit extrait. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. Voilà pour l'extrait des Beach Boys. 1944, naissance de Jacques Doyon, réalisateur scénariste français, à qui l'on doit La fille prodigue, La fille de 15 ans, Le petit criminel ou encore Rodin. 1957, naissance de Joaquim de Almeida, acteur portugais, vu dans Le masque de Zorro, dans le rôle du général Santa Ana. Che, deuxième partie, guérilla. Fast and Furious 5, dans le rôle d'Hernan Reyes. La série télé 24 heures chrono, dans le rôle de Ramon Salazar. Revenge, Mentalist, Bones ou encore Once Upon a Time. 1965, naissance de Pascal Taillot, ancien judoka français qui fut médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de 92 dans la catégorie des moins de 86 kilos. 1968, naissance de Sabrina Salerno, chanteuse italienne connue sous le nom tout simplement de Sabrina et connue pour son titre dans les années 80. Hein. Boys, boys, boys, petit extrait. Enfin, c'était surtout pour son fameux maillot de bain. Boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys, boys extrait de Sabrina. Allez, on continue. 1969, naissance de Sylvain Curigny, ancien kayakiste français médaillé d'argent olympique en 92. C'est également l'année de naissance de Kim Raver, actrice américaine connue pour son rôle de Kim Zambrano Doherty dans la série télé New York 911, son rôle d'Audrey Raines dans 24 heures chrono, ou encore celui du docteur Teddy Altman dans Grey's Anatomy. 1972, naissance de Mark Hoppus, chanteur bassiste américain du groupe Blink 182. On écoute tout de suite un extrait de leur titre « All the Small Things ». Pour les Blink 182. On continue les anniversaires. On reste en 1972 avec également la naissance de Barbara Schulz, actrice française vue dans Rembrandt, Jean-Philippe de l'autre côté du lit, Un homme et son chien, la série télé Terre Indigo dans le rôle de Bérénice, ou encore Le mystère du lac dans le rôle de Liz Stoker. 1975, naissance d'Eva Longoria, actrice américaine connue pour son rôle d'Isabella Brania Williams dans la série Les Feux de l'amour, celui de Gabriel Solis dans Desperate Housewives, vue également dans la série Telenovela dans le rôle d'Anna Sofia Calderon, où elle est également productrice exécutive, vue aussi dans Devious Maids, où elle apparaît brièvement, productrice exécutive de la série également, et vue aussi dans les séries Empire et Jane the Virgin. C'est également l'année de naissance de will.i.am, auteur, compositeur, rappeur américain, membre des Black Eyed Peas. 1977, naissance de Joe Hahn, DJ du groupe Linkin Park. 1979, naissance d'A Salfo, chanteur ivoirien du groupe Magic System. 1981, naissance de Brice Guyard, escrimeur français qui aux Jeux Olympiques a été champion olympique de fleuret par équipe, c'était au JO de 2000, champion olympique de fleuret en individuel au JO de 2004. En championnat du monde, il compte 3 médailles d'or remportées par équipe, 2 médailles d'argent remportées par équipe, ainsi que 2 médailles de bronze. C'est également 1983, naissance de Sean Biggerstaff, acteur écossais connu pour son rôle d'Olivier Dubois dans Harry Potter à l'école des sorcières, Harry Potter et la chambre des secrets, ainsi qu'Harry Potter et les reliques de la mort. 1985, naissance de Killian Lutz, acteur américain connu pour son rôle d'Emmett Cullen dans la saga Twilight, vu également dans le film La Légende d'Hercule dans le rôle d'Hercule, ou encore Expendables 3 dans le rôle de Smiley. C'est aussi l'année de naissance de Cyril Ferraud, animateur télé français, présentateur des jeux Slam, personne n'y avait pensé, et récemment de La Carte au Trésor, et oui, qui a fait son grand retour. C'est aussi l'année de naissance de Mayedine Mekissi Benabad, athlète français spécialiste du 3000 mètres steeple, triple médaillé olympique avec 2 médailles d'argent obtenues en 2008 et en 2012 et une médaille de bronze remportée en 2016, quintuple champion d'Europe sur 3000 mètres steeple en 2010, 2012, 2016 et 2018 et sur 1500 mètres en 2014. Il a remporté également 2 médailles de bronze lors des championnats du monde en 2011 et 2013. 1992, naissance de Sosie Bacon, actrice américaine connue pour son rôle de Sky Miller dans la série télé 13 Reasons Why. 1993, naissance de Paul Pogba, footballeur international français professionnel depuis 2011. De 2011 à 2012, il a joué à Manchester United. De 2012 à 2016, à la Juventus de Turin, club avec lequel il a remporté le championnat italien de Serie A 4 fois consécutivement en 2013, 2014, 2015 et 2016. Et avec ce même club italien, il a disputé la finale de la Ligue des Champions en 2015. Depuis 2016, il joue de nouveau pour Manchester United et à noter qu'en 2017, il a remporté la Ligue Europa avec Manchester et avait été sacré meilleur joueur de la compétition. En moins 44, décédé Jules César, célèbre général, homme politique, écrivain romain, qui a connu un destin exceptionnel et qui a marqué le monde romain et l'histoire universelle. Et en 1975, décédé Aristote Onassis, armateur grec, l'une des personnalités les plus marquantes de la vie mondaine internationale des années 50 aux années 70. Allez, tout de suite, nouvelle pause avec les Linkin Park et leur titre « What I Have Done ». Parc sur le 107 FM, un peu plus de 8h49, et on fait un point météo. La météo. Et on va passer la journée sous la pluie, des températures comprises entre 8 et 9 degrés ce matin, entre 10 et 11 degrés pour cet après-midi. Samedi, ce sera principalement pluvieux avec peut-être quelques éclaircies. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 10 et 12 degrés prévus pour samedi après-midi. Dimanche, journée pluvieuse, des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin et entre 9 et 11 degrés prévus pour dimanche après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. En En biathlon, championnat du monde, le relais single mixte a été remporté par la Norvège hier devant l'Italie et la Suède. La France avec 10 pioches s'est classée 7e. Ce n'est décidément pas les championnats du monde pour l'équipe de France. Allez, aujourd'hui c'est repos pour nos biathlètes. Ça va peut-être leur faire du bien. On l'espère en tout cas. Samedi, ce seront les relais. On commencera avec le relais féminin et ensuite ce sera le relais messieurs. Et dimanche, on terminera en beauté ces championnats du monde avec les Mastart. Un mot de cyclisme avec le Tirreno Adriatico et la deuxième étape a été remportée par le français Julien Alaphilippe. Un mot de football maintenant avec l'Europa League et Arsenal qui s'est imposé 3-0 hier soir face à Rennes. Rennes qui est donc éliminé de la Ligue Europa et il n'y a plus aucun club français en compétition européenne, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions. Et Chelsea s'est imposé 5-0 au Dynamo Kiev hier soir grâce notamment à un triplé d'Olivier Giroud qui a fêté de belle manière sa sélection en équipe de France. Quelle belle transition. Allez, on parle de la liste des 23 communiqués hier par Didier Deschamps. Sont donc convoqués côté gardien Yoris Mandanda et Areola, côté défenseur Digne, Kimpembe, Kurzawa, Pavard, Djibril Sidibé, Umtiti, Varane, Zuma, milieu de terrain Kanté, Pogba, Matuidi, Ndombele ou encore Sissoko. Et côté attaquant, comment Fekir, Giroud, Griezmann, Martial, Mbappé et Thauvin. Allez, on parle de la Ligue 1 avec ce soir le match Nice-Toulouse et Lille face à Monaco. Samedi, Angers recevra Amiens, Caen Saint-Etienne, Guingamp Dijon et Nîmes-Strasbourg. Et dimanche, Lyon recevra Montpellier, Reims, Nantes, Bordeaux, Rennes. Et on terminera alors dimanche à 21h avec le match PSG-OM. En Ligue 2, ce soir, Nancy se déplace à Grenoble et Metz se déplace à Niort. En National 2, samedi, Épinal recevra Créteil. En National 3, samedi toujours, Thaon-les-Vosges recevra l'équipe 2 de Strasbourg et Rennes-l'Étape se déplacera à Amnéville. Un mot de basket avec les résultats de NBA. L'équipe d'Orlando d'Evan Fournier à 10 points s'est imposée 120-91 face à Cleveland. L'équipe de Boston de Yabusele, qui n'a encore pas joué, s'est imposée face à Sacramento. Et l'Utah Jazz de Rudy Gobert à 10 points et 13 rebonds s'est imposée 120-100 face au Minnesota. Et du côté de chez nous, en Pro B ce soir, Nancy reçoit le club de Paris. Un mot de tennis avec le tournoi d'Indian Wells. C'est le parcours de Gaël Monfils s'arrête donc ici puisqu'il a déclaré forfait. Il ne jouera donc pas contre Dominique Thiem. Le Français blessé au tendon d'Achille gauche s'est d'ailleurs excusé auprès du public d'Indian Wells pour son forfait. Et dans l'autre rencontre, Raonic s'est qualifié en 2-7 face à Kejmanovic. Aujourd'hui, Federer affrontera Urkaz et Nadal sera opposé à Kachanov. Côté féminin, Kerber s'est qualifié en 2-7 face à Venus Williams. Et à noter que la tête de série numéro 5, Pliskova, s'est inclinée en 3-7 face à Bencic. Aujourd'hui, Svitolina affrontera Andescu et Kerber sera opposé à Bencic. Un mot de rugby avec samedi, tournoi destination, le match Italie-France. Et on termine avec de la Formule 1 qui fait son grand retour ce week-end avec le Grand Prix d'Australie. Allez, on marque tout de suite la dernière pause musicale et on va retourner au mois de juillet l'année dernière grâce au Magic System et leur titre Magic in the Air. The magic in the air, aïe aïe aïe, levez les mains en l'air, allez allez allez, feel the magic in the air, aïe aïe aïe, levez les mains en l'air, allez allez allez, feel the magic in the air, magic system. Ça va aller.